Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107 FM. Et pour l'émission de ce soir, on va ouvrir nos horizons culturels, on va découvrir des manières de se soigner autrement, tout en bien-être, tout en douceur, vu que ce soir je suis avec Jessica Pierre, qui est magnétiseuse art à Montchamp. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Alors tu es, comme je viens de le dire, magnétiseuse art à Montchamp. Il me semble que ton institut s'appelle Belle chez elle, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et avant qu'on parle un petit peu de toi, est-ce que tu peux peut-être un petit peu décrire à ta discipline aux auditeurs? Oui, vas-y. Alors en fait, le magnétisme, c'est reconnu depuis l'âge des pharaons, donc il y a 2000 ans avant notre ère. C'est une méthode pour soigner les gens avec l'énergie en fait. Donc on peut soigner tout type de problèmes, des maux comme des maladies. Mais en aucun cas, on va demander à quelqu'un d'arrêter un traitement, par exemple. Oui, donc ça, c'est sur les origines. Et en quoi ça consiste, en fait, le magnétisme? Donc, on soigne avec l'énergie qu'on a en nous et autour de nous. C'est l'énergie vitale ou la force vitale, aussi on l'appelle comme ça. Donc, c'est un fluide que tout le monde possède. Et il est plus ou moins développé selon les personnes. Donc l'énergie va se transmettre d'un être à un autre pour essayer de rétablir l'harmonie, l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dis-moi, il y a, j'imagine, hein, depuis, tu as dit 2000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 4000 ans que ça existe. Après, il me semble que ça a trouvé un certain nouvel élan sous un certain Mesmer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Franz Anton Mesmer est né en 1734. Il est mort en 1815. Il a soutenu une thèse de doctorat à Vienne. Cette étude l'a conduit à découvrir les potentialités du magnétisme et à soigner des malades de toutes sortes, de n'importe quelle religion, croyance. Et en fait, il y a même eu des personnes de la haute société qui sont venues le voir à Paris, dans un salon qu'on appelait Bouillon. Et on y a même vu apparemment Marie-Antoinette et le comte d'Artois. Ah oui, donc des personnages très importants pour l'époque. Et puis ensuite, ça a continué, bien entendu, à se développer. Et j'imagine que le magnétisme, hein, vu que je le rappelle, ça fait 4000 ans que ça existe, a dû se scinder en différentes branches. Oui, complètement. Donc maintenant, nous l'avons connu sous le nom de magnétisme, mais il porte différents noms rattachés aux cultures et aux époques. Donc on en connaît un petit peu, hein. On l'appelle aussi le chi, le prana, le manial, le reiki, le wakai, et en fait il en existe encore plein d'autres. Et quel que soit le nom, ça ne modifie en rien les facultés de cette énergie. Le magnétisme ne présente en aucun cas danger, et vraiment est là pour soigner les gens. Et vu que tu me parles de soigner, en soi, qu'est-ce que le magnétisme soigne? Alors vraiment, tout un peu tous les problèmes, hein, ça va de la constipation aux diarrhées, les migraines, les dépressions, les insomnies, les problèmes de peau aussi, les eczémas, le psoriasis, les zonas, ensuite des arthroses, des entorses. Voilà, vraiment beaucoup de problèmes. Hein. Les problèmes aussi, par exemple, de cœur. Hein, aussi, ben, je pense que je l'ai dit, les insomnies, les gens qui ont du mal à dormir. Mais c'est vraiment vaste. Hein, Autant les maux. Alors là, tu as parlé des maux du corps. Ça soigne aussi parfois les maux de l'esprit. Souvent, on essaie vraiment de faire que le corps et l'esprit fassent qu'un. Un bon magnétiseur, il va vraiment essayer de comprendre la personne au plus profond de son âme et de son cœur. Et donc, dis-moi, je ne sais pas si on en a trop parlé, mais la discipline du magnétisme, ça consiste en quoi ? Donc, c'est une forme de médecine alternative qui soigne. Alors, on a dit les maux du corps et de l'esprit, mais par quels moyens ? Alors, en fait, on prend l'énergie qu'il y a autour de nous. Cette énergie universelle, on l'appelle. Donc c'est aussi l'énergie vitale qu'on a en nous. Et en fait, moi, je suis un canal. Et je fais passer cette énergie dans le corps de mon patient pour aller débloquer l'énergie qui est nocive en lui ou ce blocage et relancer de la bonne énergie pour que son corps comprenne qu'il faut que ça reparte comme il faut. C'est un peu comme ça, c'est un peu vague, mais oui. Voilà. Par exemple, le truc tout bête, quand ça va être une douleur, je vais aller apaiser. Et si, par exemple, la personne est constipée ou n'arrive pas à aller à la selle, eh ben, je vais aller exciter les cellules pour qu'elles retravaillent comme il faut. Oui, mais d'ailleurs, dis-moi, quand on vient pour un mal, il faut venir sur une seule ou sur plusieurs séances en Alors, général ? Ça dépend du mot. Du souci, si c'est une personne âgée, si vraiment le mal est très vieux, très profond, ça prendra plusieurs séances. Et si c'est quelqu'un de jeune, si c'est un mot qui est récent, en général, en une séance, on arrive à traiter. Mais c'est vrai que ça dépend aussi, et puis du corps de la personne, s'il est plus dur, un peu moins conciliant hein, au niveau des énergies, voilà. On a parlé hein, du fait de soigner des gens. Il me semble d'ailleurs que le magnétisme ou l'énergie, c'est vrai que tu me l'as dit, ça porte différents noms. Ce n'est pas reconnu par l'Académie de médecine. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a des grands scientifiques physiciens. Donc le professeur Yves Rocard, qui a essayé pendant 30 ans de faire voir à la science sa thèse sur le magnétisme, mais ça n'a jamais abouti. Ça, c'est une sorte de médecine alternative ou de médecine douce ? C'est une médecine douce, c'est vraiment reconnu comme thérapie. Et en fait, pareil, j'ai appris que sur Paris, il y a quand même des grands médecins qui préconisent et qui appellent l'aide magnétiseur auprès d'eux. Même pour si... soigner des gens, comme par exemple maintenant on voit aussi l'hypnose qui est très réputée, oui. Comme ça on n'endort plus les gens et il y a moins de soucis au niveau du cœur, de la fatigue, l'endormissement est moins conséquent pour la personne. Donc en fait tu es en train de me dire que tout doucement les mentalités s'ouvrent à d'autres types de médecine dont le magnétisme, l'hypnose, il y en a peut-être d'autres je crois, l'ostéopathie, etc. Oui. Et à ce propos, tu travailles, toi, en tant que magnétiseuse, avec d'autres pratiquants d'autres médecines douces ou alternatives ? Non, mais je connais un autre magnétiseur. Ouais. Et lui, il est où ? Sur le Tio. Ah oui, donc, c'est côte à côte. Oui. Et puis, ça va déjà être l'heure de s'écouter notre première pause musicale. Tu nous as ramené ce soir des morceaux que tu passes dans ton cabinet. Tiens, tu peux peut-être nous parler un petit peu de la musique que tu as choisie avant qu'on la passe. Donc oui, c'est des musiques de méditation très relaxantes et qui fait du bien du coup à l'esprit et au corps. Donc, Il faut vraiment écouter ça avec un minimum de bruit autour de soi, couper son téléphone et laisser aller les choses. Donc on va se laisser aller, on va s'écouter un morceau intitulé Pure Joy, donc pure joie. On se laisse aller un moment de méditation pure et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. C'était à l'instant Pure Joy. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous pouvez, comme d'habitude, réagir en y écrivant sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ça fera toujours plaisir. Pour l'émission de ce soir, je suis toujours avec Jessica Pierre l'Institut Belle chez elle. Tu es magnétiseuse, donc tu es venue nous parler de ta discipline et même de ton travail. Et justement, ça commence à devenir un petit peu dans les habitudes de parler de toi en deuxième partie d'émission. Donc, raconte-nous un petit peu le chemin qui t'a mené jusqu'au magnétisme. Oui. Alors, en 2011, j'ai ouvert mon entreprise Belle chez elle. Et en fait, je suis esthéticienne. Je suis diplômée d'État. Hein, j'ai le CAP que j'ai passé en un an à Nancy. Par la suite, je me voyais mal aller en institut. Je trouvais ça trop, comment dire, trop à la chaîne, hein, désolé pour les collègues. Mais voilà, dans nos coins, il y a beaucoup de personnes seules, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui ont des soucis de santé, qui ne peuvent pas forcément se déplacer, qui n'ont pas forcément les moyens. Donc voilà, moi je viens à elles et à eux, parce que j'ai aussi des hommes. Donc pour toutes sortes de soins, hein, les soins visage, les soins des mains, je coupe les ongles des pieds, des mains, je fais des soins aussi de peau, des massages, les maquillages mariés bien entendu, et toutes les épilations. Donc voilà, j'avais décidé voilà, de me mettre à mon compte, et ça fait 7 ans maintenant. Donc suite à ça, je me suis perfectionnée dans les massages, bien-être, je trouve ça très sympa. J'ai été faire 14 formations en massage. Donc j'ai le tibétain, le hawaïen, l'indonésien, le suédois, le prénatal pour les femmes enceintes, la réflexologie plantaire, le massage visage japonais, chinois, aux ventouses froides, anti-rides. Voilà, il y a le bambou, le modelage indien au bolcan sous ayurvédique et encore quelques-uns, voilà. Donc je trouve que le bien-être, c'est très bien maintenant à l'heure d'aujourd'hui parce que tout le monde est poussé à bout, tout le temps courir partout, on n'a jamais le temps pour soi. Donc c'est un petit échappatoire voilà, pour retrouver son corps et son esprit et faire plus qu'un. Et suite à tous ces massages, je me suis rendu compte que mes mains se mettaient en fait à chauffer bêtement à des endroits stratégiques et les gens me disaient « Oh bah bougez pas, vous êtes en plein ou j'ai mal ». Donc ça a l'air un peu dérisoire comme ça, mais en fait mes mains me montraient en fait et ouais voilà me parlaient et m'expliquaient où les gens où il y avait un problème. Et donc suite à ça, beaucoup de personnes m'en ont parlé et donc j'ai été faire une formation de magnétisme sur épinal. Donc voilà, bah, suite à ça, j'ai travaillé pendant un an sur ma famille, quelques amis, voilà, et sur des choses, des citrons par exemple, on peut s'entraîner sur un peu tout et n'importe quoi, des plantes, mes plantes à la maison elles sont super belles, voilà, si on m'emmène sa plante qui est un peu malade, on me la laisse un peu en pension et elle repart toute pimpante, voilà, en redonnant de l'énergie, on arrive à faire des belles choses, et du coup voilà, j'ai décidé en février l'année dernière de me lancer, en plus donc de l'esthétique, parce que je trouve que c'est une belle chose de pouvoir aider les autres, surtout quand il y a de la douleur et de la souffrance. Donc c'est comme ça que ça t'a décidé. Et est-ce que, comment dire, ta vision du monde ou peut-être la manière dont tu vis a changé depuis que tu as rencontré le magnétisme? Oui, j'ai un peu changé quand même. J'ai arrêté la cigarette depuis, c'est déjà une belle chose. Puis j'ai l'impression que plus je travaille et plus je me rends compte que tout le confort qu'on a autour de nous, ben, il ne sert à rien. On a vraiment besoin de la nature, de manger, de boire et d'amour. Le reste, c'est du superflu, quoi. Et voilà, j'ai l'impression que je vais un peu sur un autre chemin de vie, mais voilà, en fait, la nature et la vie, c'est ça, quoi. Hein. Ça nous le rend bien, en fait. En effet, ça a visiblement vraiment changé ta vie et ça continue de la changer au fur et à mesure. Et dis-moi, qu'est-ce qui est important comme qualité pour un magnétiseur? Je pense vraiment l'écoute de la personne, comprendre son mal-être ou son problème. Et voilà, aller plus loin qu'un problème physique, bien souvent, ça, voilà, ça touche le cœur. C'est des souffrances que la personne a perçues, peut-être étant jeune ou par la suite. C'est vraiment, souvent, un mot, c'est un blocage, c'est quelque chose qui nous fait du mal, c'est un blocage d'énergie en nous. Et forcément, si on ne creuse pas plus loin, on n'y arrivera pas à le traiter, comme il faut en tout cas. Et oui, en effet, c'est ce que ça apporte, hein, une autre manière d'être traité. Mais d'ailleurs, dis-moi, en étant traité, j'avais quand même regardé quelques vidéos à ce sujet avant de te rencontrer. Il me semble qu'il y a une particularité quand même avec le magnétisme, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais il ne faut pas toucher la personne. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas, c'est qu'on n'est pas obligé. Dans tous les cas, quand on impose nos mains au-dessus de la personne, nous, on ressent son énergie. Et au moment où ça va chauffer fort, où on ressentira ces fourmillements qui montent dans nos bras, c'est que là, il y a un problème. Et en fait, moi, je me permets de toucher certains endroits, comme par exemple la nuque, les épaules. Voilà, mais voilà, ça reste vraiment des endroits pas délicats, pas gênants. Mais c'est ça qui est bien avec le magnétisme, parce que par exemple, j'ai un homme qui était venu, je me souviens de ça, pour une hernie inguinale qui lui faisait mal. Et cet homme-là, justement, disait qu'il avait été triporté par plein de personnes, pour plein d'examens, et c'était quelqu'un de très pudique. Et cette hernie lui faisait mal. Et du coup, en imposant mes mains à 10 cm de lui, et ben voilà, j'ai réussi à le soigner comme ça. Et c'est la sensation qu'il a eue. Il m'a dit, c'est étrange, j'avais l'impression que vous alliez creuser à l'intérieur de moi pour me retirer cette chose qui me faisait mal. Oui, c'est quelque chose d'assez assez surprenant, mais c'est ça, après tout, le magnétisme. Et je crois, on a un petit peu parlé hors antenne de chamanisme, parce qu'il me semble que tu vis juste à côté de Yourthe, à Loué, c'est ça? Oui, c'est le domaine des Planès, donc toujours rue des Planès à Ramonchamp. Il y a des petites yourtes sympathiques à louer à n'importe quelle saison, pour la nuit. Et tous les ans, je crois que c'est au mois d'août, il faudra se renseigner sur leur page, sur leur site internet ou page Facebook. Mais il me semble que c'est au mois d'août et il y a une réunion chamanique avec plein de personnes comme ça pour le bien-être des gens. Et tu y assistes à ces réunions chamaniques, hein? Et ben, pour le moment, j'y suis pas allée parce qu'à chaque fois, j'avais des rendez-vous donc de travail, je travaillais. Mais oui, j'espère par la suite y participer. On espère pour toi, ça ouvrira peut-être de nouveaux horizons et ça changera, ça continuera à changer ta vision du monde qui change encore. Et à propos de justement de vision du monde et d'état d'esprit, si quelqu'un qui nous écoute se tâte un petit peu, est-ce que c'est peut-être, je sais pas, pour venir, pour assister, bénéficier d'une séance de magnétisme, est-ce qu'il est important, j'imagine, d'être ouvert d'esprit? Pas forcément. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en me disant « Oh, ben je viens de la part d'un tel, on m'a parlé de vous, mais moi je suis sceptique, j'y crois pas. » Ben, en fait, voilà, c'est en essayant qu'on comprend. Et après, non, les gens sont repartis assez étonnés et voilà, très, très contents de la prestation en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai encore des messages de remerciement en me disant que c'est très étrange, mais que ça fonctionne pour eux en tout cas, il n'y a plus de problème, quoi. Ah ben, en effet, c'est une bonne nouvelle, vu que ça élargit leur horizon et même leur espace. Et c'est d'ailleurs le nom de la deuxième pause musicale, Infinite Space, encore un morceau bien-être que tu passes dans ton cabinet. Donc on s'écoute cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Thank you. Ah là là, c'était un voyage dans un univers parallèle, mais après tout, on est sur Radio Gemozo, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, pour découvrir la discipline de Jessica. Jessica, magnétiseuse art à Montchamp, mais si vous voulez, vous pouvez toujours réagir ou nous laisser un petit mot sur notre page Facebook Radio Gemozo ou nous appeler au 03 29 62 40 40. On a parlé vraiment en première et deuxième partie d'émission de déjà de ce que c'est le magnétisme, depuis combien de temps ça existe, et 4000 ans quand même, hein, ça en impose. Et on a aussi parlé de toi, hein, qui a ouvert ton cabinet il y a un an, c'est ça? Un an et demi? Pour le magnétisme, ça fait un an. Voilà. Et l'esthétique, 7 ans. Oui, en effet. Et toujours un cabinet bien-être, hein, raccord avec les pauses musicales que nous passons, vu que ce sont les musiques que tu proposes dans ton cabinet. Mais d'ailleurs, dis-moi à ce propos, à Montchamp, ou même ici, hein, on est assez en zone rurale, et c'est vrai que les médecines alternatives ou les manières de se soigner alternatives, ça a parfois un petit peu plus de mal à s'ancrer dans les zones rurales. Il en est quoi de toi ? C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes réticentes ou des personnes curieuses, hein, qui vont se dire « Oh, c'est du charlatanisme, c'est pas vrai, ça n'existe pas ». Et en fait, c'est par le bouche à oreille bien souvent que ça fonctionne le mieux, quoi, hein. C'est une fois que quelqu'un y est passé, hein, qui a essayé une séance, il a vu voilà, que ça avait fonctionné, que son état s'était amélioré. C'est comme ça que la personne va en parler à ses proches autour de soi et qu'ensuite les gens m'appellent et ils viennent gentiment. Oui, et c'est comme ça que ça se développe peu à peu. Et d'ailleurs, tu commences à avoir une clientèle plus variée ou tu as toujours une clientèle type bien précise ? Non, c'est vraiment une clientèle variée. Hein. Ça passe par les enfants. Hein. J'ai déjà eu le plus petit avait 2 ans, par exemple, hein, pour de l'eczéma. J'ai eu des petits aussi pour de l'asthme. J'ai vraiment tout âge de personnes, hommes, femmes. Ça, il n'y a vraiment pas d'indication même, quoi. C'est vraiment tout type de personnes. Et est-ce que tu ne soignes que des êtres humains ? Non, je soigne aussi les animaux. Donc les chiens, les chats, j'ai été magnétisée des chevaux. Là, je vais bientôt avoir une vache qui est très connue, Doliprane, la Vosgienne qui a été récompensée meilleure Vosgienne. Donc voilà. Donc c'est vraiment une discipline qui s'étend sur tout le vivant, vu qu'après tout, les énergies et les ondes font partie du vivant. Et dis-moi, vu que c'est quand même la base de ta discipline, est-ce que tu peux peut-être nous définir ce que c'est en fait toutes ces énergies, ces ondes, d'où est-ce qu'elles émanent ? Donc en fait, l'énergie propre, elle vient de nous. On a une énergie vitale, hein, qui est forcément là, parce que si on n'a pas cette énergie vitale, on ne peut pas vivre. Donc tout ce qui est vivant, la faune, la flore, les humains, tout est ancré d'une énergie vitale et elle est tout autour de nous. Et on se sert d'elle pour le magnétisme, donc. Et donc, ça vient vraiment de partout, tu as dit, du soleil, de la forêt, de la terre, des montagnes. Oui. Même du vent, par exemple, je sais que voilà, quand il y a un courant d'air, du vent, on peut très bien se ressourcer avec ce vent, avec, voilà, tout le monde connaît la vitamine D du soleil, on en a besoin. Par exemple, c'est un peu, voilà, il y en a qui vont nous prendre pour des fous, mais être dans la nature, ressentir, voilà, les arbres, ressentir l'herbe sous nos pieds, tout ça, enfin voilà, c'est la vie et on en a besoin en fait de cette nature. S'il n'y a plus la nature, de toute façon, on est noué, il y a disparaître. Hein, donc, Et dis-moi, en tant que magnétiseuse, tu es là pour promouvoir les énergies positives, mais qui dit énergie positive dit énergie négative. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, les énergies négatives, on en a aussi tous plus ou moins. Donc nos mauvaises pensées, par exemple, c'est une énergie négative qu'il faut essayer d'enlever ça de notre tête parce que ça nous pourrit un peu la vie, en fait. Hein. C'est vraiment pas bon, c'est néfaste pour l'homme. Et en fait, l'énergie, on parle aussi d'entité, de présence. C'est pareil, ça c'est une croyance ou pas, hein. On n'est pas tous obligés d'y croire. Mais voilà, ça fait partie des énergies négative, où il faut faire attention quand même à ça. Oui, tu as parlé des énergies négatives et tu m'avais aussi parlé un petit peu avant l'émission des mauvaises ondes. Alors j'imagine que déjà, ondes et énergie, c'est pas pareil. Alors elle est où la différence ? En fait, si. C'est, ben, en fait, non. Les mauvaises ondes, les ondes, c'est tout ce qui va être les réseaux, les courants électriques, par exemple les gros pylônes, hein, des gros poteaux électriques. Ça, je sais que quand je passe dessous, ben, ça me donne mal au crâne, par exemple. Et on sait tous qu'il y a des gens qui souffrent de cette maladie, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ils peuvent pas avoir un appareil électrique à côté d'eux. Ils sont vraiment mal en point quand ils ont ce genre de choses à côté d'eux. Et comme quoi, en fait, les ondes négatives, enfin, les ondes là sont vraiment pas bonnes pour nous, quoi. Et oui, les énergies, ça c'est... Alors tu as parlé de mauvaises pensées. Et tu as un peu titillé ma curiosité concernant les esprits. Oui, donc ça, ce sont... Pareil, hein, des entités, c'est des esprits. Il y a des esprits errants... Après, voilà, on y croit ou on n'y croit pas, mais voilà, ça arrive qu'il y ait des âmes qui se perdent, qui n'arrivent pas à partir dans l'au-delà. Et ces énergies sont errantes, et elles restent autour de nous, et elles essayent de s'agripper des fois à des gens, ou même des gens, bah, des proches, hein, des proches qui appartenaient de la même famille. Et des fois, peut-être ont-ils des messages à passer, ou des choses comme ça. En tout cas, je sais pas, mais je sais que quand je travaille le magnétisme, j'évite d'aller chez les gens, parce que ça se peut qu'il y ait des mauvaises énergies chez eux, ça arrive. Du coup, je sais que dans ma pièce, voilà, je fais des purifications, je la nettoie, pour qu'elle reste propre en énergie. Il y a vraiment une bonne énergie qui circule, et c'est très bien pour le travail. Oui, d'ailleurs, tu as parlé à l'instant de ton cabinet, et tu as parlé que tu soignes les êtres vivants, mais tu ne t'occupes pas des maisons ou des pièces, si jamais c'est réellement nécessaire, hein. Ça, non. Je ne sais pas le faire. Mais il y a d'autres personnes qui le font. C'est encore une discipline à part. Oui, complètement, les passeurs d'âmes. Oui, ça existe. Si votre maison est hantée, si quelqu'un a quelque chose qui ne va pas, est peut-être possédé ou pas, hein, je ne sais pas trop, vous pouvez faire appel à des passeurs d'âmes qui vont faire des prières ou d'autres rituels pour guider cet esprit à repartir vers la lumière, comme on dit. Oui, donc encore une fois, ça s'étend, ça peut aller très loin, encore une fois, en fonction des croyances, mais tu l'as dit aussi un petit peu plus tôt, tu reçois des personnes aussi sceptiques au début, qui finissent par voir en effet les bienfaits du magnétisme, parce qu'après tout, hein, ça permet, comme tu l'as dit, de soigner des maux en une ou plusieurs séances. Et est-ce qu'il y a un certain taux de réussite avec tes patients ? Pour le moment, j'ai vraiment des bons retours. C'est vraiment rare que les gens reviennent. Donc, c'est que voilà, ça fonctionne bien, en tout cas pour eux, ça a très bien marché. Non, pour le moment, c'est vrai que le plus de séances que j'ai fait, ça va être 5. C'était 5. Et la personne, pour le moment, je ne l'ai pas revue, elle va très bien. Donc, et ça date d'il y a un an, donc voilà. Et tes séances, parlons-en, hein, il y a certainement un prix, vu qu'il faut bien que tu en vives. Alors, à combien s'élève une séance chez toi ? Alors moi je propose, donc c'est des séances de 30 minutes à 20 euros. J'estime, enfin je me suis beaucoup renseignée, hein, et c'est vrai qu'après ça sert un peu à rien de travailler une heure de temps. Voilà, on peut très bien traiter plusieurs cas. Moi j'arrive à soigner de 3 à 4 problèmes physiques chez quelqu'un en 30 minutes. Et par la suite, donc je soigne, j'apaise, je retire, et ensuite je fais des passes, ça s'appelle des passes. C'est pour relancer la bonne énergie dans le corps. Oui, donc vraiment relancer l'énergie et le bien-être. Et on va encore se faire une parenthèse bien-être avec un autre morceau que tu as proposé, c'est Lotus Reflection. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Madanirani dapa ma ba da ba ma ba ga ma ba ma ga re ga ma ga re sa ni re ga re ga ma ga re sa Pama dava mava ni dava mava dava mava gama pada mava gama pa. Ni dava mava dava mava gama pada mava gama re gama pada pa mava gama pa pa maga. Gare ma gare sani sare sani sa gare ga ma pa ma dha ba ma pa ni dha ba ba ba sani dha ba ma ba dha ba ma pa ga ma pa ma gare ga ma pa ma gare ma gare sani re sa. Sani sani re sani sani re sare ni sani ni dava ma ba gama pa da ma ba gama pa ma gari gama ga. Que de bien-être, c'était Lotus Reflection. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo sans cette FN dans l'émission de l'heure des loups. Et comme vous l'avez compris, d'après la pause musicale et même les pauses musicales qui passent depuis le début de l'émission, on est toujours dans une optique bien-être, dans une optique se sentir bien et médecine douce et alternative. Vu qu'en effet, je suis avec Jessica qui est magnétiseuse chez Belle chez elle à Ramonchamp. Hein. C'est ton institut à toi. Et si vient à un auditeur l'envie de faire un petit commentaire, de poser une question à Jessica, de peut-être compléter mes propos, hein, vu que je ne peux pas forcément poser les questions que vous avez peut-être envie de poser, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook Radio Gemozo, hein, j'ai l'onglet qui est ouvert, vous en faites pas, ou passez-nous un petit coup de fil au 03 29 62 40 40, ce sera avec plaisir. Dis-moi Jessica, on a parlé en fait du magnétisme, enfin on a parlé de plein de choses et c'est vrai que tu avais dit plus tôt dans l'émission que quand tu, parfois sans même toucher les gens, tu peux percevoir là d'où vient le problème, ce qui veut dire que tu as un certain don. Alors en fait, le magnétisme c'est pas un don, on l'a tous plus ou moins. Chaque personne a un magnétisme en soi, il s'appelle un magnétisme animal. Chez certains individus, ben comme moi, hein, j'en fais partie, ce magnétisme a des vertus curatives et il est un peu plus développé que d'autres. Et du coup, ça m'amène à canaliser le meilleur de mon énergie et du coup à soulager, à apaiser et à transmettre dans les patients cette bonne énergie. Et dis-moi, comme tu as dit que c'est un don, enfin, ou c'est une qualité que tout le monde a, mais pas la même, donc est-ce que c'est possible de la cultiver, de la travailler, de la développer ? Oui, tout à fait. C'est comme un grand sportif. Plus on s'entraîne, plus on devient fort. Plus on viendra à soigner les gens, plus on comprendra et meilleurs seront nos soins, et plus dans la qualité encore. Mais comme tu as dit, toi tu as un magnétisme curatif, donc c'est pas non plus le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas le même type de magnétisme. Non, il en existe plusieurs. Il y a aussi le magnétisme donc curatif, animal et spirituel. Et quelle est la différence entre ces trois magnétismes ? Ou lequel correspond à quoi ? Donc toi c'est le magnétisme curatif, tu es là pour soigner les gens et c'est le thème de l'émission de ce soir tout simplement. Mais tu as parlé du magnétisme animal, alors qu'est-ce que c'est le magnétisme animal ? Donc le magnétisme animal, ça va être plus... je ne sais pas trop comment expliquer... ce sera plus dans des rituels, dans des choses comme ça. Ça ne va pas être dans des séances. Oui, je ne sais pas trop comment expliquer la chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas grave, mais le magnétisme spirituel aussi, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un peu, c'est une autre forme, mais ça reste dans la spiritualité, dans l'ouverture d'esprit. Et après, donc, du magnétisme, on en tire un petit peu chaque morceau pour faire le nôtre. Et comme on a parlé de spiritualité, on passe des morceaux qui passent pour la méditation. Je pense que tu vois où je veux en venir. Il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler quand on se met à la méditation et au yoga. Il s'agit des chakras. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Donc, en fait, les chakras, on les a tous. On en a 7. Donc, c'est vraiment, comment dire, ils sont présents au milieu de notre corps. Et c'est ça, en fait, qui fait fonctionner comme il faut nos organes, notre corps. Et c'est grâce à ces chakras que tout se passe bien. Et bien souvent, quand on magnétise, on va déjà contrôler au niveau des chakras s'ils sont fermés ou pas. Et en fait, si on se rend compte qu'ils sont fermés, et bien on va aider ce chakra à s'ouvrir pour que la personne aille mieux. Donc voilà, c'est les différents chakras. Est-ce que tu les as définis pour nos auditeurs ? Que c'est vrai qu'on a beau en entendre parler, mais même moi, ça fait un petit moment que je me penche dessus, mais c'est un petit peu difficile de comprendre exactement ce que c'est. Oui, donc en fait, on a le chakra de la couronne. Le premier, c'est celui qui est au-dessus, notre frontal en fait. On a le chakra du troisième œil. Donc entre les yeux, qui est très connu. On a le chakra de la gorge, d'où souvent les problèmes de thyroïde ou d'expression, voilà, le manque de confiance en soi, ou comme moi là en ce moment, la peur de parler, il faudrait ouvrir ce chakra de la gorge. Donc voilà, il y a le chakra du plexus solaire, donc au niveau du diaphragme. Celui-là, c'est souvent les personnes qui ne savent pas respirer. Et il faut ouvrir sa cage thoracique quand on prend de l'air, et souvent c'est pareil, c'est des gens qui sont angoissés, stressés. Donc voilà, ensuite il y a le chakra qui est au ventre, pardon, au nombril, et le dernier entre les jambes, voilà. Donc ça c'est les différents chakras, et donc il n'y a pas que en méditation qu'on travaille avec les chakras. Non, pas du tout, ouais. Avec le magnétisme aussi, vu que ça touche de l'énergie. On va venir justement remettre de l'énergie quand il y a des problèmes au niveau de ces chakras, comme en méditation. En fait, c'est comme ça qu'on va trouver ce bien-être et essayer d'aller mieux et de faire qu'un avec notre corps et notre esprit. Et oui, j'imagine que c'est important, vu qu'on parle souvent dans l'optique du sport, un esprit sain dans un corps sain, mais une énergie qui circule bien, je pense que ça contribue à avoir un corps plus sain. Et d'ailleurs, on a parlé de ton approche du magnétisme, mais on n'a pas vraiment parlé des bienfaits que tu en as retirés, parce que peut-être que tu as mieux appris à gérer tes énergies depuis que tu connais la discipline. Oui, complètement. Avant, j'étais quelqu'un déjà petite, d'hyperactive, de tribougeon, qui coûtait rien du tout. Et en fait, j'ai appris à me connaître, à me canaliser, à en fait me servir de cette énergie trop plein que j'avais en moi. En fait, ce magnétisme, il est là pour que j'aide les autres. Et grâce à ça, moi, je me sens mieux dans ma vie, dans mon corps. Et du coup, j'arrive à me canaliser. Et après, oui, tu apprends à mieux gérer tes énergies, ton énergie même débordante. C'est toute seule que tu as appris ou c'est avec le biais d'autres magnétiseurs ou d'autres personnes qui travaillent dans des médecines douces ? Oui, donc en fait, c'est un magnétiseur qui m'a parlé de ça au départ, quand il m'a fait un soin. Il a tout de suite vu, il m'a demandé de montrer mes mains et il a tout de suite vu, il m'a dit carrément que si j'étais au courant que j'avais le magnétisme en moi, que je pouvais soigner les gens. Donc suite à ça, je me suis posé des grandes questions, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis documentée. Et par la suite, vu que je suis esthéticienne, je fais des massages, j'ai ressenti que mes mains parlaient beaucoup et m'expliquaient des mots, des problèmes sur les gens. J'ai décidé de faire une formation. Il y en a partout en France. Il suffit de se renseigner sur Google, sur Internet. Et en fait, j'ai fait une formation sur Épinal. Suite à ça, c'est un magnétiseur qui m'a appris les bases de capter cette énergie qu'on a en nous et vraiment ressentir la personne et comprendre comment fonctionne le corps et comment on va faire pour enlever cette douleur ou faire fonctionner des cellules qui ne fonctionnent plus et ensuite remettre cette bonne énergie dans le corps de la personne pour qu'elle reparte de plus belle. En effet, et d'ailleurs, tu as parlé de ta formation, un petit peu de tes stages, enfin pas trop de tes stages, mais plutôt de ta formation, excuse-moi. Donc, tu as été amenée à rencontrer ou à observer d'autres magnétiseurs. Et dis-moi, est-ce que vous travaillez tous de la même façon ? Non, pas du tout. En fait, il y a un peu les bases quand même, mais c'est vrai que c'est vraiment avec le ressenti. Et moi, on m'a bien fait comprendre, et chaque magnétiseur pourra le dire, qu'il faut s'écouter, il faut écouter notre ressenti. Et on va travailler selon comment notre corps ressent les choses. Donc, en fait, c'est à l'écoute de ton corps et de tes besoins que tu arrives à être à l'écoute de celui des autres. Voilà, c'est ça. C'est mon corps qui me dit, qui me guide, tout simplement. Et moi, j'ai plus qu'à faire mon travail, en fait, et enlever ces mauvaises énergies pour remettre de la bonne. Ah oui, c'est assez surprenant. Dis, on va accueillir de nouvelles ondes positives, de nouvelles bonnes choses et on va se ressourcer avec un autre morceau que tu passes dans ton cabinet vu que ce sont toutes les pauses musicales de la soirée sont des morceaux que tu passes. Comme ça, on est vraiment dans l'ambiance, on sait vraiment comment et dans quel cadre tu travailles. Et là, c'est un morceau intitulé Ganesh Blessing, Ganesh qui, je le rappelle, est un dieu hindou. Donc on est vraiment dedans, dans le bien-être, la méditation, l'ouverture des chakra. Donc on va continuer notre ouverture culturelle en s'écoutant ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Om Ganeshaya Nama. Om Ganeshaya Nama. Ganeshaya Namah. Om Ganeshaya Namah. Om Ganeshaya Namah. Om Ganeshaya Ganeshaya Namah. Om Lambodaraya Namah. Gananaya Namah. Surya Vinayaka Namah. Jal Vinayaka Namah. पुरुषाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गणेशाय La nouvelle pause méditation est terminée. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Toujours pour parler bien-être, médecine alternative avec Jessica, magnétiseuse à Ramonchamp dans le... un petit peu le cabinet Belle chez elle. D'ailleurs, on va redonner ton adresse vers la fin de l'émission, mais je vois l'heure qui tourne. On aura malheureusement peut-être plus l'occasion de proposer une dernière pause musicale. En attendant, hein, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message sur Facebook ou nous passer un coup de fil. Je rappelle plus les trucs, hein, vous savez comment nous trouver. Et dis-moi, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais tu as fait différentes formations pour des massages, tu fais différents soins. J'imagine que ces musiques-là vont toujours dans des thèmes différents. J'essaie d'associer les thèmes musicaux selon les thèmes de massage. Par exemple, la musique un petit peu africaine pour le massage africain. Là, c'était des musiques un peu indiennes, hindoues, donc pour le massage ayurvédique indien. Et j'essaie vraiment, même avec les huiles essentielles, d'associer les senteurs avec les pays. Souvent, on voyage, et pas que par le massage, par les odeurs et la musique aussi. Ah oui, vraiment, par tous les sens possibles. Donc, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Ça permet vraiment même un voyage à moindre coût. Je le rappelle, hein, ça coûte certainement moins cher qu'un billet d'avion. Mais c'est toujours ça et ça fait du bien et c'est important de faire du bien, de se faire du bien, vu qu'on revient un petit peu à une ère où ça y est, l'être humain se redit tiens, il serait peut-être temps que plutôt que je me concentre de combien j'ai sur mon compte bancaire, c'est plutôt comment je vais moi, vu qu'après tout c'est important. Et justement, on a parlé juste un petit peu juste avant des différents massages que tu fais, vu que tu pratiques d'autres disciplines aussi, même si celle pour laquelle je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est le magnétisme. Mais il me semble tu fais de la réflexologie, c'est ça ? Oui, aussi. Hein, j'ai eu la formation de réflexologie plantaire. Donc, tout le monde sait, ou pas, hein, que dans les pieds, on a tous les organes. En fait, et on va aller stimuler des points. Si les points sont douloureux, ça veut dire qu'il y a un petit souci au niveau de l'organe. Des fois, c'est des choses toutes bêtes. Ça va aller stimuler. On va essayer d'aller vider en fait ce souci pour qu'en fait l'organe remarche mieux. Et c'est tous les organes possibles, donc intestin, cœur, foie, poumon, ovaire pour les femmes, enfin vraiment, vraiment plein de choses. D'ailleurs, la réflexologie, ça fait aussi longtemps que ça existe, vu qu'il me semble que c'est aussi assez répandu. Quand tu fais de la réflexologie, est-ce que tu essayes d'atteindre les mêmes buts que le magnétisme ? Oui, complètement. C'est vraiment dans le bien-être et que la personne se sente le mieux possible quand elle repart, hein, en essayant que son corps évacue ce problème qu'il y a à l'intérieur. On essaye vraiment de nettoyer, de purifier le corps. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il est possible qu'une personne soit plus ou moins réceptive à une forme de médecine alternative, on va dire, quelqu'un qui n'est peut-être pas réceptif à la réflexologie sera peut-être réceptif au magnétisme ? Oui, hein, ça dépend des personnes. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va être très chatouilleux, ça va pas être possible de lui faire la réflexologie plantaire, par exemple. Donc du coup, on pourra lui faire autre chose, hein, la réflexologie palmaire, ou alors carrément le Kobido, c'est un massage japonais du visage. Et pareil, au niveau du visage, on a tous les points de shiatsu, hein, donc les points d'acupuncture, tous les points d'énergie, donc les organes sur le visage, et on va aller de la même manière stimuler ces organes pour que ça aille mieux. Et tu as parlé d'acupuncture, tu en fais ou non ? Non, pas du tout, non. L'acupuncture, c'est vraiment réservé aux médecins, il faut avoir le diplôme de médecin pour pouvoir piquer. Ah oui, en effet. Oui, vu qu'après tout, c'est un travail avec des aiguilles. Mais tu fais quand même un travail qui s'y apparente, entre guillemets. Tu m'en as parlé un petit peu, du massage chinois avec les ventouses, c'est ça ? Oui, c'est un nouveau massage qui existe depuis peu chez nous, mais il existe depuis très longtemps en Chine. C'est une vraie thérapie là-bas, c'est plus qu'un massage anti-ride, c'est des ventouses froides. Et en fait, on va venir regonfler la peau, le muscle, bien entendu en remontant les muscles. Mais en fait, on va venir faire des pompes, comme des suctions avec cette ventouse, mais sur les points d'énergie, donc les points shiatsu. Et là, on va aller stimuler le foie, le cœur, le poumon, les reins, la vessie. Je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Et voilà, en fait, c'est un gros travail et c'est plus qu'un massage anti-ride. Ça va aller redonner du bienfait dans le corps. Oui, donc vraiment, il y a aussi différentes manières d'être bien, de se sentir bien et de se soigner. Après tout, c'est bien ce que tu nous as montré, vu que voilà, la médecine traditionnelle ne peut pas forcément tout guérir, ou même si une personne est, c'est des choses qui arrivent aussi de plus en plus souvent, réfractaire aux médecines traditionnelles, il y a moyen de passer par des moyens plus doux, moins chimiques aussi, vu que c'est un petit peu la base de la médecine traditionnelle depuis toutes ces années. Et dis-moi, avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu as peut-être un dernier petit mot de la fin à adresser à nos auditeurs ? Eh bien, écoutez, si cette émission vous a plu, si vous avez envie de me découvrir, si vous avez des problèmes à traiter, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis Jessica Pierre, j'habite au 48 rue des Planès, à Ramonchamp. J'ai une petite cabine, donc petite pièce bien cocooning, hein, bien chaleureuse pour vous accueillir. Et donc, je suis ouverte à tout mot, à tout problème, essayer de trouver une solution et à vous soigner. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 77 71 99 28. Et pour les auditeurs qui n'auront pas eu le temps de noter le numéro, l'émission sera bien entendu en podcast un petit peu plus tard dans la soirée. Bien entendu, hein, pour ceux qui veulent aussi, il y aura des cartes de visite qui seront laissées ici. N'hésitez pas à passer nous faire un coucou pour rencontrer les animateurs que vous écoutez tous les jours. Malheureusement, l'émission touche déjà tout doucement à sa fin. Mais avant qu'on se dise au revoir pour de bon, je fais comme j'ai l'habitude de le faire, le programme de la soirée. Donc la prochaine émission, c'est à 21h, c'est Vincent pour Vivre et Créer la Montagne, c'est jusqu'à minuit, suivi de la rediffusion de la bulle de l'IA qui a parlé de l'Écolo Day qui aura lieu le 1er mai du côté d'Épinal. Mais pour ça, je vous laisse écouter l'émission cette nuit. La rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h, et puis après ce sera déjà le week-end et j'ai une nouvelle un peu triste pour vous, je serai en vacances la semaine prochaine. Donc les émissions que vous écouterez, ce seront des rediffusions, mais c'est choisi avec amour pour vous. En attendant, effectivement, on était dans le bien-être, dans l'amour, dans l'être bien, et je pense que c'est quelque chose d'important. Je vous laisse passer une merveilleuse soirée, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous, soignez-vous. Et Jessica, merci beaucoup d'avoir témoigné sur ta discipline. C'était un plaisir et c'était même un plaisir de rencontrer pour la première fois une magnétiseuse. Comme ça, j'en saurai plus et t'as beaucoup piqué ma curiosité. Merci à toi, Lou. Et en attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à bientôt sur Radio Gémozo.